tâchait de tout cacher. De sa bulle où il faisait si beau, éveillé il rêvait, croyant que seule sa bonté l'adorait, à fabriquer son utopie. Le monde serait-il si laid qu'il n'irait jusqu'à l'envie. L'envie, essence de nos vies. Essence de nos vies, le bon. La fleur dans les yeux ignore l'obscurité de l'homme. Il se borne à chercher le bien car l'accepter selon le bon, c'est la terrible descente, celle qui t'enducit, te mène à l'abandon. Puis finalement à sa caution, le bon est une façade des plus belles, un miroir de sourire même. Si ça me fait les poubelles, cette façade, il l'admire. Il s'arme de paraître à chaque nouvelle aventure pour devenir un meilleur être, même s'il n'en est pas si sûr. Même s'il n'en est pas si gracieusement son savoir et son art. Sourire part tel un homme accompli car le bon, même si tarde l'amour et la reconnaissance, restera bon car telle est son essence. Respectant son sens de la vie, le bon sourit. Le bon est bon et il connaît ses dictons. Le bon est au con.